Y tú y yo en la playa, juntos ambos creamos bellos recuerdos que nunca se olvidaremos. Oh, moi faut que je répète, faut que t'as envie de me mettre sur repeat, faut que j'aille jusqu'au titre et je rentre dans la playground avec ma playlist. J'ajoute ce fit pour la cour comme miracle fils. J'insiste pour faire passer le message qu'on comprenne bien. Je m'entête, je m'en bats la race, éducation à sa place. J'avance, rentre dans la danse, trop de choses superficielles dans leur rap, dans leur bac. Du coup plus rien ne me surprend, l'essentiel c'est le but fixé. Rester opérationnel, rationnel, éviter la gamelle. T'as vu, t'as vécu, t'es plus un gamin. Alors écoute, j'aime quand ça pète, boum, faut que je répète. Faut que tu bouges la tête, MC. La graine casse en guise de bling bling. La médaille, le titre sur lequel je marche. Ce titre, pas encore sur le marché. Pourtant, je pense que ça marcherait. Libertant le titre, la cour des miracles. Fils, je marche sans arrêt. En stas, en train, en Laguna, ouais, zinc. C'est super simple. Après la Super 5, je répète et j'avance avec carence. Pour Arménia, la Colombie, et ici les bonnes ambiances. Alors évite les mimes ainsi que de fabuler. Tout en aimant la sagesse positivement utilisée. En attendant le jackpot, continuer à survoler ce qui à d'autres, une fois sur son vote, le conquérir comme d'autres, en faire sa dope. Moi je veux par de green, de gasoline, centré, l'adrénaline. Pour moi, placer Arménia sur le podium, mon peplum, faut que je répète avec un métronome, faut que je fasse de mon art un sérum. Y tú y yo en la playa, juntos ambos creamos bellos recuerdos que nunca se olvidaremos. Soirée, esquive la bac, fais un tour du côté des mecs chic. Les mecs qui check sushi, toujours en train de doser les flics. Les filles dans le radar, trop de bâtards. Je balade avec mes blédards, les trois quarts quand ils me boulard. Le centre 2, au Cred Rock, à la Ric, la Cotonne, au Soleil, Moreno, Technopole. Jusqu'à la Chapelle, quartier N, Monopole. Je te raconte notre boulevard, casquette, à ne pas emmerder. Mieux vaut que soit vierge la cassette, casque sur tête, que tu remues d'avant en arrière. Et sur oreille, écouteur, pas de barrière. Faut que je répète sur le même beat, celui de ma vie. De mon cœur là où je suis seul acteur, seul spectateur, résultat unanime. Moi le rap m'anime, crée plein de manie. Mais si toujours je m'emballe, feuille plus beat pour écrire si inspiration. Je répète, jamais être seul car besoin de personne si ce n'est de moi pour la respiration. Pro, moi faut que je répète, faut que t'as envie de me mettre sur repeat. Faut que j'aille jusqu'au titre, que je rentre dans la playground avec ma playlist. J'ajoute ce fit pour la cour des miracles fils. J'insiste pour faire passer le message qu'on comprenne bien. Je m'entête, je m'en bats la race, éducation à sa place. J'avance, rentre dans la danse. Y tú y yo en la playa, juntos ambos creamos bellos recuerdos que nunca se olvidaremos.